Jonas chapitre 3. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en disant, lève-toi, et t'en vas à Ninive, la grande ville, et y publie à haute voix ce que je t'ordonne. Jonas donc se leva, et s'en alla à Ninive, suivant la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville, de 3 journées de chemin. Et Jonas commença d'entrer dans la ville le chemin d'une journée, et il cria et dit, encore 40 jours, et Ninive sera renversée. Et les hommes de Ninive crurent à Dieu, et publièrent le jeûne, et se vêtirent de sacs, depuis le plus grand d'entre eux jusqu'au plus petit. Car cette parole était parvenue jusqu'au roi de Ninive, lequel se leva de son trône, et ôta de dessus soi son vêtement magnifique, et se couvrit d'un sac, et s'assit sur la cendre. Puis il fit faire une proclamation, et on publia dans Ninive, par le décret du roi et de ses princes, en disant, que ni homme, ni bête, ni bœuf, ni brebis, ne goûtent d'aucune chose, qu'ils ne se repaissent point, et qu'ils ne boivent point d'eau, et que les hommes soient couverts de sacs, et les bêtes aussi, et qu'ils crient à Dieu de toute leur force, et que chacun se convertisse de sa mauvaise voie, et des actions violentes qu'ils ont commises. Qui sait si Dieu viendra à se repentir, et s'il se détournera de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions point? Et Dieu regarda ce qu'ils avaient fait, savoir, comment ils s'étaient détournés de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal, qu'il avait dit qu'il leur ferait, et ne le fit point.